إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le charh de Cheikh Zayd al-Madkhali hafizahullah. On est arrivé à l'endroit où le Cheikh Zayd al-Madkhali hafizahullah explique qu'il a pris 10 ans à Mecca à enseigner le tawhid pendant 10 ans à Mecca. Plus bien entendu, les 3 années après, mais le cheikh va expliquer par la suite qu'est-ce qui est arrivé après 10 ans de particulier. Donc Cheikh Zayd explique, il dit: فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو الى تحقيق التوحيد يدعوهم الى كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله لان كلمة لا اله الا الله بتحقيقها يكون العبد قد توجه بالعبادة لله وحده دون سواه ونبذ تلك الأصنام والأوثان. Donc le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم est resté donc 10 ans à appeler au tawhid et à réaliser et à la réalisation de la signification du tawhid. Il les appelait à la parole de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah qui signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et la parole de la ilaha illallah, lorsque tu dis que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, quand tu as réalisé cette parole-là et que tu l'as mis en application, ça veut dire que en tant que serviteur d'Allah, tu t'es orienté et dirigé uniquement vers l'adoration d'Allah seul et de rien d'autre en dehors de lui. Et tu as rejeté également l'adoration des idoles et yani de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi tahqiq shahadati anna Muhammadan Rasulullah imanun bir risala wa tasdiqun bi bi'athati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa annahu mursalun min 'indillah fi hadhihi al-muddah at-tawila 10 sinin qabla an tufrad as-salah وقبل أن تفرض أي عبادة من العبادات وما ذلكم إلا لأهمية شأن العقيدة وعلم توحيد رب العالمين الذي كلف الله تبارك وتعالى به عالم الإنس والجن بادئ ذي بدء قبل أن يكلفهم بأي عبادة أخرى ولا شك أن أزكى العبادات بعد التوحيد هي الصلاة لا ولكن تأخرت فرضيتها لأهمية شأن عقيدة التوحيد وفهمها. Donc le cheikh il dit que la réalisation du témoignage de Muhammad Rasulullah, c'est de croire en le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec le message, avec la prophétie, et de croire en le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec ce message-là, et que c'est le dernier messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala durant cette période de 10 ans avant que tout autre, avant tout autre ordre ou obligation, même avant que la salat soit ordonnée. C'est-à-dire que pendant les 10 premières années de l'islam, même la salat, c'était pas encore obligatoire. La salat 5 fois par jour, c'était même pas encore obligatoire. Avant tout autre acte d'adoration. Et ça, le cheikh, il dit que ça nous montre l'importance de la aqidah et l'importance de la science du tawhid, le Seigneur des mondes, le tawhid d'Allah, le tawhid du Seigneur des mondes, que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au monde des hommes et au monde des djinns, au tout début, avant même d'avoir yani, imposé ou ordonné aux créatures de faire n'importe quelle autre forme d'adoration. Mais on sait que la plus pure et la plus importante des formes d'adoration après le tawhid, c'est la salat. Mais même cette obligation-là, elle a été retardée. Après, c'est-à-dire elle est seulement venue après l'obligation de la plus importante de toutes les choses dans la religion, c'est-à-dire la question de la aqida du tawhid et de la compréhension du tawhid. Donc il n'y a rien qui est plus important dans l'islam que le tawhid. Même la salat, qui est la plus importante des adorations, elle vient après. Le cheikh il dit: وكان يستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الأفراد والجماعات من الرجال والصبيان والنساء والأحرار والعبيد على بطن، ولكنه ما كان يستعجل، وعندما قام بدعوته الرحيمة المتواصلة صابرا محتسبا حكيما لين الجانب كما أمره ربه تبارك وتعالى أن يخاطب الخلق وأن يصبر على آذاهم وأن يتحمل كل شيء في سبيل دعوته الكريمة التي فيها انتشال لعالم الإنس لعالم الجن والإنس من موجبات الغضب ومن موجبات الرضا والجنة لمن أطاع الله ولمن تابع الرسول صلى الله عليه وسلم واستجاب لدعوته. Donc le cheikh il dit, et donc il y avait des gens qui commençaient à répondre à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à sa da'wah. Des individus, hein, afrad, 1, 2, 3, 4, il y en a quelques personnes. Après, des groupes, jama'at min al-rijal, des groupes d'hommes, des enfants même qui acceptaient la da'wah, des femmes, des hommes libres et des esclaves, tous les gens commençaient à rentrer dans l'islam. Petit à petit, hein? Ça venait doucement et lentement, ils n'étaient pas nombreux, hein? Subhanallah. Donc qu'est-ce que les gens auraient dit si c'était aujourd'hui? Ils ont dit: ah, 4-5 personnes, hein? 6 personnes qui deviennent musulmanes, c'est rien, hein? Au début c'était comme ça, ce prophète il vient, il appelle, il y a quelques personnes qui croient en lui, hein? 4-5-6, des pauvres, des esclaves, hein, des fois un homme, des fois une femme, des gens pas très, parfois c'est pas des gens qui ont beaucoup d'importance ou beaucoup d'influence sur la société. Donc ça commençait doucement, mais il ne se pressait pas. C'est-à-dire le prophète Sansoum n'était pas pressé dans sa da'wah. Et lorsqu'il a commencé avec sa da'wah qui est pleine de miséricorde pour les hommes, pleine de bien pour les hommes, et qu'il a commencé sa da'wah avec beaucoup de continuité et de persévérance, avec endurance et patience, cherchant uniquement l'agrément d'Allah et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de le faire, de parler aux hommes et de s'adresser aux hommes avec douceur, avec calme, hein, et d'être endurant, même si on l'insultait, même si on lui faisait du mal, même si on lui faisait du tort, d'être patient, d'être endurant, d'être doux, hein, d'être doux avec les gens. On t'insulte, tu réponds calmement, tu t'énerves pas, tu te fâches pas, Hein? C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Il endurait toutes les difficultés, toutes les insultes, toutes les moqueries, toutes les choses mauvaises que les gens lui faisaient, il l'endurait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour sa da'wah, sa noble da'wah. Et c'est comme ça que il dit التي فيها انتشار لعلم الأنام. Donc dans cette da'wa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, il y avait ceux qui pouvaient libérer les djinns et les hommes du châtiment et de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui les amenaient de la colère d'Allah vers l'agrément, vers le paradis, pour celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et pour celui qui obéit au messager sallallahu alayhi wa sallam et qui accepte et qui répond à sa da'wa. ولما آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 70 رجلا وامرأة وكانوا يؤذون أشد الأذى من أولئك الأعداء لأن هذا العدد بالنسبة للباقين على الشرك عدد ضئيل فلما لحقهم صنوف من الأذى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة ليقيموا شعائر الدين بدون أذى فهاجروا إلى الحبشة لأن فيها النجاشي وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ملك لا يظلم الناس عنده إلا أنه لحقهم كفار قريش إلى هناك حسدا وبغيا وحقدا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ليستأصلوهم فتبقى لهم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وغيرها من الأصنام والأوثان التي تعبد بالباطل وترجى. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que quand il y a eu de plus en plus de croyants qui ont accepté la da'wah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que leur nombre est arrivé à peu près 70 hommes et femmes, ils recevaient tous les mauvais traitements qu'on peut imaginer de la part des ennemis. Ils les insultaient, ils les frappaient, ils les torturaient, même parfois ils les tuaient, subhanallah. Et bien entendu, 70, c'est quand même un bon nombre. Hein? Si nous, on était 70 personnes ici, ce serait bien, mashallah. Mais ils étaient 70, mais 70 parmi un grand nombre de mouchriquins. Donc, parmi un grand nombre, 70, c'est pas beaucoup. Hein? Donc, les mouchriquins, ils étaient beaucoup, ils étaient nombreux. Donc, les croyants, ils étaient pas beaucoup par rapport à eux. Lorsqu'ils ont commencé à recevoir de plus en plus des mauvais traitements de la part des mouchriquins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné d'aller vers Al-Habasha, c'est-à-dire d'aller en Éthiopie et de faire d'émigrer en Éthiopie. Alors ils sont partis en Éthiopie pour établir leur religion sans qu'ils soient offensés ou torturés ou maltraités. Et donc ils ont fait la hijra à Al-Habasha. Et à cette époque, il y avait un roi en Éthiopie qui s'appelait An-Najashi. Ou bien plutôt, c'est le nom qu'on donnait au roi d'Éthiopie, An-Najashi. On les appelait An-Najashi. Donc An-Najashi, le prophète Sallam l'a décrit en disant, allez là-bas, c'est-à-dire allez en Éthiopie. Il y a un roi là-bas auquel, auprès de lui, personne n'est opprimé. Hein? Personne n'est traité injustement. Donc si vous allez là-bas, on ne va pas vous faire d'injustice. Pour quelque temps, aller rester en Éthiopie. Donc ils sont partis. Mais les koufars de Quraysh, ils étaient tellement acharnés, qu'ils sont allés même jusqu'à là-bas en Éthiopie pour aller rattraper les musulmans. Ils ont envoyé certains d'entre les koufars pour aller voir le roi Najashi, pour dire au roi Najashi, laisse-nous ramener ces musulmans-là. laisse-nous les ramener à Mecca, parce que ils suivent un homme là-bas, et cet homme-là, il s'appelle Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et cet homme-là, il critique nos divinités, il critique nos idoles, et il veut changer notre religion, changer nos coutumes, et donc il faut absolument que tu nous laisses les ramener pour qu'ils soient punis, et ainsi de suite. Ils avaient amené des cadeaux, ils avaient amené plein de trucs, hein, des choses pour amadouer Al-Najashi. Mais Al-Najashi était un homme juste. Alors il leur a dit, au Kuffar de Quraysh, il leur a dit, yani, ramenez-les, je veux les écouter. C'est-à-dire, je ne veux pas seulement prendre votre parole pour ce que vous dites, je veux les entendre moi, de mes propres oreilles, voir qu'est-ce qu'ils disent. Alors les sahabas sont venus, et Al-Najashi a demandé, qu'est-ce que c'est votre religion? Expliquez-moi, c'est quoi le prophète que vous suivez? Qu'est-ce qu'il enseigne? Et c'est là qu'ils ont commencé à expliquer le tawhid, la foi en Allah, la foi en Isa ibn Maryam, et ainsi de suite. Et là, Al-Najashi a dit, yani, qu'est-ce que vous dites? C'est la vérité. Et il les a laissés aller. Et il a renvoyé les gens de Quraysh, hein, les mains vides. Donc tout ça, les koufars de Quraysh faisaient ça par jalousie, par transgression, par haine contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour éliminer complètement l'islam de la base et de tuer tous les sahaba. Yani, subhanallah, ça me fait comprendre, et moi ça me fait toujours réfléchir quand j'entends ça, c'est comme si les koufars, ils ne sont pas satisfaits de dire... Ok, vous voulez faire votre religion, ok, faites qu'est-ce que vous voulez. Non, ils disent, même aujourd'hui, les koufars, ils disent, on donne à tout le monde la liberté de religion. Ça, c'est des paroles seulement. La réalité, c'est qu'ils ne seront pas satisfaits tant que les musulmans deviennent des koufars, eux aussi. Et même quand tu les vois dire, vous avez la liberté, tu vois, subhanallah, ils disent, ouais, pratiquez votre religion. Jusqu'à ce qu'ils voient que les musulmans commencent réellement à s'accrocher à leur religion et à la pratiquer. De plus en plus, que c'est là que tu vois qu'ils commencent à mettre des lois et des règles et des restrictions. Et ils inventent même des nouvelles lois pour interdire toute nouvelle pratique ou toute pratique islamique dans leur société. Donc c'est pour dire, en réalité, vous n'avez pas la liberté. Mais on veut vous faire croire que vous avez la liberté, mais en réalité, vous n'avez pas la liberté. Tant que vous ne soyez pas des koufars comme nous. Parce que la liberté, pour les koufars, c'est la liberté d'être kafir. C'est ça que ça veut dire seulement. C'est rien d'autre. Vous pensez que la liberté chez les koufars, ça veut dire libre d'être musulman? La liberté pour les koufars, ça veut dire libre d'être kafir comme nous. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça ce qu'ils s'attendent de la part des musulmans quand ils viennent ici, c'est que en voyant la société de kufr, qu'ils soient attirés à devenir kuffar comme le reste des kuffars et à devenir comme eux et donc à abandonner l'islam. Donc quand ils voient que des musulmans abandonnent pas l'islam, bien au contraire, s'attachent encore plus à leur islam, parfois, alors là, ils sont obligés de commencer à faire des nouvelles lois. Et ils réalisent pas que quand ils vont commencer à faire des nouvelles lois, c'est le début de la fin pour eux. Parce que c'est en faisant ces lois-là qu'ils montrent la réalité de la faiblesse de leur voie, la faiblesse de leur croyance, la faiblesse de leur système, la faiblesse de leur loi. Si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur sens, ils sont obligés de faire des nouvelles lois, c'est la preuve que ça, c'est des lois qui sont basées sur les passions, sur les désirs, hein. Et donc, ça veut dire que ça tient sur rien, ces histoires. Mais de toute façon, peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent essayer de faire, faiblesse de leur voix, de leur système, de leurs organisations, parce que tu vas voir que plus que les croyants vont résister, vont s'accrocher à leur foi, que c'est là que eux, ils vont réagir de cette façon-là envers nous, et que les croyants vont devenir encore plus attachés à leur foi, et encore plus attachés à leur religion. Quand les koufars laissent l'illusion, l'idée aux musulmans qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur religion, personne ne sent de pression, personne ne sent de problème, les gens se sentent à l'aise dans la société des koufars, alors là, ils disent, on est bien chez les koufars. Mais quand les koufars commencent à mettre des lois, mettre des restrictions pour les musulmans, commencer à traiter les musulmans de plus en plus avec de l'injustice, et commencer à faire du tort aux musulmans, et maltraiter les musulmans, insulter les musulmans, et ainsi de suite, là les musulmans commencent à réaliser qu'ils ne sont pas bienvenus chez les koufars. Ils commencent à voir la réalité de la société des koufars, et que le but de ces gens-là, c'est uniquement d'éloigner les gens de la foi en Allah, et de les appeler au kufr et au shirk, et de les faire devenir des mushrikines et des koufars comme eux. Là, les musulmans commencent à réfléchir, commencent à se réveiller, commencent à revenir à la religion d'Allah, et commencent à comprendre la ruse et le complot et les jeux que les koufars sont en train de leur faire. Et donc, ça aide à ce que beaucoup de musulmans reviennent à l'islam. Et ça, moi je l'ai constaté même en France, quand tu vois par exemple beaucoup de jeunes musulmans là-bas qui sont dans la société, ils ont de la difficulté à s'intégrer ou à vivre dans cette société de kufr. Et puis c'est tout à fait normal parce qu'on est des musulmans, on ne peut pas vivre comme des koufars. Alors quand les koufars essaient de devenir de plus en plus agressifs et durs contre les musulmans, c'est là que tu vois que les musulmans reviennent encore plus fort à leur islam et à leur religion. Et là tu vois que maintenant ils commencent à parler de faire la hijra, commencent à parler de retourner dans les pays musulmans, commencent à parler d'aller étudier l'arabe, commencent à parler d'aller étudier l'islam, commencent à parler d'aller étudier la charia. Les femmes musulmanes commencent à porter le niqab, commencent à porter le djilbab, commencent à apprendre la aqida, commencent à apprendre le tawhid, commencent à revenir aux principes, commencent à revenir aux ulama, commencent à revenir au tulab ilm. Alors les gens commencent à comprendre maintenant la réalité de l'islam. Hein? Et donc après tout ça, les koufars, ils comprennent plus rien. Ils disent, mais comment ça se fait? On fait tout pour arrêter l'islam, plus qu'on essaie de les arrêter, plus qu'ils avancent encore plus. Hein? Plus ils avancent plus loin et plus fort. Ça, c'est la sunna d'Allah. C'est la religion d'Allah. Et donc, il ne faut pas s'étonner de ça. Donc, les mouchriquins, ils voulaient arrêter complètement la propagation de l'islam. Ils les arrêtaient complètement. Donc, ils ne pouvaient pas tolérer que des musulmans soient en Éthiopie ou ailleurs. Même s'ils ne sont pas à la Mecque, ça les dérange. Il faut qu'ils les arrêtent, peu importe où ils sont. Alors, ils sont allés même jusque là-bas. Jusqu'à, yani, subhanallah, jusqu'à Éthiopie pour aller les arrêter. Parce qu'ils veulent continuer à adorer Al-Lat et Al-Uzza et Manat et les autres idoles qu'ils adoraient dans le mensonge et la fausseté. ولكن الله عز وجل رب هذه الطائفة المؤمنة ودافع عنها رغم ما أصابها من بلاء وجهد فكانت الهجرة إلى الحبشة مرتين وكانت الهجرة الثالثة إلى المدينة ارتفعت فيها راية الإسلام بفضل الله عز وجل ثم بجهود الأنصار والمهاجرين الذين نصروا الله ورسوله ونصرهم الله على كل عدو داخلي وخارجي. Le cheikh il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala يعني il a Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué ce groupe de croyants et il les a défendus malgré tous les malheurs et les difficultés qu'ils ont subis. Et donc ils ont fait deux fois la hijra à Al-Habasha, deux fois la hijra en Éthiopie. La troisième hijra, c'était à Médine, Al-Madina. Et c'est là-bas que la bannière de l'islam a été élevée par la grâce d'Allah. Puis, par les efforts des Ansar et des Muhajirin, par la grâce d'Allah, puis par l'effort des Ansar et des Muhajirin qui ont défendu la cause d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire sur tous les ennemis. Les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit, وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ. C'est-à-dire qu'après les 10 premières années à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé au tawhid, ensuite, il a été élevé aux cieux. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait faire l'ascension. qu'est-ce qu'on appelle Al-Mi'raj. Et c'est durant cette ascension que les cinq prières obligatoires ont été révélées et ordonnées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Zayd al-Madkhali, il explique, il dit « وبعد العشرة بعد العشرة سنين بعد العشرة سنين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وصفة الإسراء والمعراج جاءت في القرآن وجاءت في صحيح السنة المطهرة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجر ذات ليلة فأتته الملائكة وشقت صدره إلى ثغرة من ثغرته من ثغرته إلى سرته واستخرجوا قلبه وحشوه حكمة وإيمانا وحشوه حكمة وإيمانا ثم أسري به على البراق دابة تضع حافرها عند منتهى طرفها إلى بيت المقدس ولما وصل بيت المقدس جمع الله له رسله وأنبياءه فصلى بهم إماما وكيفية ذلك من أمور الغيب التي لا ينبغي السؤال عن كيفيتها وأمة الإسلام أمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأمة الإسلام أمة تؤمن بالغيب فصلى بهم حقيقة ليظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل والأنبياء. Donc le cheikh il explique que après les 10 premières années le prophète صلى الله عليه وسلم a été élevé aux cieux. Allah سبحانه وتعالى là fait faire yani al-mi'raj. Et la description de Al-Isra ou Al-Mi'raj elle est mentionnée dans le Coran, le verset 1 dans Surat Al-Isra. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Donc ça c'est le verset dans Surat Al-Isra. Et c'est mentionné aussi dans la Sunna authentique dans Sahih al-Bukhari et Muslim et dans d'autres hadiths aussi. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était une nuit dans sa maison, dans sa chambre, et les anges sont venus et ils ont ouvert sa poitrine d'ici là du bas du cou jusqu'à yani, sa poitrine comme ça, ils ont ouvert cette région là et ils ont fait sortir, ils ont pris son cœur et ils ont mis dedans de la sagesse et de la foi. Puis il a été par la suite pris, il a monté sur un animal ou une bête qu'on appelle Al-Buraq. Et il est parti de la Mecque jusqu'à Bayt al-Maqdis en un seul pas. Parce que c'est un animal, une bête yani, qui est rapide. Hein? Et en un pas, elle fait la distance de jusqu'à l'horizon. Qu'est-ce que l'œil peut atteindre de l'horizon? Et il dit, quand ils sont arrivés à Bayt al-Maqdis, Allah subhanahu wa ta'ala a réuni tous les messagers et les prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié comme imam. Et eux se sont mis derrière lui. Et il les a dirigés dans la salat. C'est-à-dire que nous, comme le cheikh il a dit ici, il a dit la façon comment cette chose-là s'est produite fait partie du raïb, c'est partie de l'invisible. Et il n'est pas correct pour nous de poser la question sur le comment de cette chose. Et la umma de l'islam croit en al-raïb, croit en l'invisible. Et donc on dit qu'il a prié. Il a prié, il les a dirigés dans la prière réellement. Et il a fait ça pour montrer le mérite et l'excellence la supériorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur tous les autres messagers et prophètes, pour montrer qu'il est meilleur. وعرج به إلى السماء في المرقاة ثم يعرج فيها يعني التي يعرج فيها الأنبياء في المرقاة التي يعرج فيها الأنبياء والحديث معلوم ومشهور وذلك أن جبريل كان يرافقه ولما وصل إلى السماء الدنيا افتتح جبريل مما يدل على أن السماوات محروسة وأن لها أبوابا وأنها مملوءة من خلق الله من ملائكته الكرام وغيرهم ممن جاء ذكرهم في شريعة الإسلام فلما افتتح السماء الدنيا وسئل من معك قال محمد قالوا وقد أوحي إليه قال نعم قالوا مرحبا بالنبي الصالح. Donc après, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter aux cieux avec al-mirqah, yani la chose qui fait monter les prophètes vers les cieux. Et le hadith à ce sujet-là est très célèbre et connu. Il dit que qu'est-ce qui est mentionné à ce sujet-là dans le hadith, c'est que il y avait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Jibril alayhi salam. Et Jibril, à chaque fois qu'il arrivait à un des cieux, hein, il arrive au premier des cieux, c'est le ciel de la dunya, celui qu'on voit la nuit avec les étoiles, ça c'est le premier des cieux. Il arrive, il arrive avec Jibril devant une porte, la porte des cieux, la première porte. Jibril demande la permission pour rentrer. Et le cheikh il dit, ça c'est la preuve que les cieux sont protégés. C'est-à-dire qu'il y a des portes en chaque ciel. Tu ne peux pas rentrer sans la permission. Aller dans un autre ciel, tu ne peux pas sans la permission d'Allah. Et que le ciel, il est rempli. C'est pas le ciel, il n'est pas vide. Comme les koufars, ils pensent que le ciel, il est vide, il n'y a rien, c'est le vide. Non. Le ciel, il est rempli de créatures d'Allah, des anges et d'autres également, hein, d'autres créatures que la charia s'est mentionnée dans le Coran et dans la Sunna. Donc, il arrive devant la porte, Jibril arrive devant la porte et il demande pour rentrer dans un autre ciel. Et on lui dit, qui est avec toi? Et il répond, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on lui demande, on lui dit, est-ce qu'on lui a déjà envoyé la révélation? Et il répond oui. Alors ils disent, bienvenue au vertueux prophète. Hein? Et il dit ensuite, wa hakadha kana ruqiyuhuma min sama'in ila sama' wa yusallimu ala man fiha min ar-rusuli wal anbiya hatta intaha ila as-sama' as-sabi'ah. وفرضت عليه الصلوات في تلك الليلة 50 صلاة فمر على موسى عليه السلام وقال له ماذا فرض عليك أو ماذا فرض عليك ربك يا محمد قال 50 صلاة قال إن أمتك لا تستطيع ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف فوضع عنه عشرا فكان يرجع بين موسى وبين ربه فيضع عنه عشرا عشرا حتى استقرت 5 صلوات فقال الله تبارك وتعالى أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هن 5 وهن 50 لا يبدل القول لدي 5 في العدد و50 في الأجر لأن الله قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril continuaient à monter de ciel en ciel, et il faisait le salam, donnait le salam à tous les habitants du ciel. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il donnait le salam aux habitants du ciel, parmi les messagers, parmi les prophètes qui étaient dans les différents cieux, jusqu'à ce qu'il arrive au septième, le septième des cieux, le plus élevé. Et c'est là qu'il a reçu l'ordre ou l'obligation des 50 prières par jour. Alors, en descendant, en revenant, il a rencontré Moussa, alayhi salam. Et Moussa, alayhi salam, lui a demandé, « Qu'est-ce que ton Seigneur t'a ordonné, ô Mohammed ?» Il a dit, « Il m'a ordonné 50 prières, 50 salats. » Il a dit, « Ta umma, ta nation, ne sera jamais capable, ne sera pas capable de faire 50 salats par jour. Retourne vers ton Seigneur, demande-lui de t'alléger, de te diminuer le nombre. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné vers son Seigneur, lui demandant l'allègement et de diminuer le nombre des salawat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enlevé 10, c'est-à-dire au lieu de 50, c'est 40. Alors il est retourné vers Moussa et lui a expliqué la même chose. Et il continuait de remonter et redescendre entre Moussa et son Seigneur, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui diminue les prières 10, 10, 10, jusqu'à ce qu'il arrive à 5. Et une fois arrivé à 5, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, voici j'ai donné mon obligation, hein, maintenant j'ai mentionné qu'est-ce que j'ai donné comme obligation, et j'ai diminué ou allégé les prières pour mon serviteur. Elles sont de 5 et elles sont de 50. Et je ne change pas ma parole. La parole chez moi ne change pas. Elles sont 5 en nombre et 50 dans la récompense. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que chaque hasana, chaque bonne action, elle est multipliée par 10. Chaque bonne action que tu fais, chaque hasana, elle est multipliée par 10. Comme c'est mentionné dans le verset 160 dans Surat Al-An'am. وأصبح في مكة بين ظهرانيها وظهر الخبر يعني ظهر الخبر وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فكذبته الكثرة الكاثرة حتى أتوا إلى أبي بكر وأخبروه الخبر وقالوا أتصدقه قال كيف لا أصدقه وخبر السماء يأتيه صباحا ومساء ثم تلعثم لم يتوقف ولم يقل إلا بالحق والحكمة. Donc le cheikh il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était revenu le matin à Mecca parmi les habitants et il a mentionné aux gens ce qui lui est arrivé durant la nuit, qu'il est parti jusqu'à Bayt al-Maqdis et après de Bayt al-Maqdis jusqu'à au septième des cieux et ainsi de suite. Alors les gens commençaient à démentir ce qu'il avait ramené comme information, commençaient à se moquer de lui et à le traiter de menteur et ainsi de suite. Et Abu Bakr, ils sont allés voir Abu Bakr. Abu Bakr était un des compagnons, quelqu'un qui avait cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui croyait avec sincérité. Donc ils sont allés voir le compagnon Abu Bakr et ils étaient comme contents d'avoir cette information là à lui raconter, comme si en voulant dire ça y est, une fois qu'on va lui dire ça, Abu Bakr va renier le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il va rejeter l'islam parce qu'il va entendre cette information-là, il va pas l'accepter. Donc ils étaient contents d'avoir ça et ils arrivent à Abu Bakr pour lui dire l'information en pensant qu'il allait renier. Mais au contraire, Abu Bakr, radiallahu anhu, quand il a entendu, quand ils lui ont dit, voici ce que ton compagnon Muhammad a dit. Est-ce que tu le crois? Il a dit, comment je ne le croirais pas, hein? Même dans certaines narrations que j'ai entendues dans d'autres livres, dans d'autres durus, ils ont dit, comment je ne le croirais pas alors que je l'ai cru dans ce qui est plus grand que ça encore? C'est-à-dire qu'il reçoit la révélation du ciel, soir et matin et soir. Allah vient, lui envoie l'ange et il reçoit la révélation matin et soir. Comment je ne veux pas le croire? Hein? Et il n'a pas cessé donc sa da'wa, il a continué à faire sa da'wa jusqu'à ce que par la suite on va voir qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Parce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit ensuite wa salla fi Makkah 3 sinin. Il a prié, il a fait la salat à Makkah pendant 3 ans. Donc pendant 10 ans que le tawhid. Après il y a la révélation de la salat, l'obligation de la salat, et il est resté 3 ans à Makkah encore en train de appeler au tawhid et faire la salat. Hein? Le cheikh Zayd, il dit, cheikh Zayd, hafizahullah, il dit, ثُمَّ بَعْدَ الْعَشْرِ الَّتِي كَانَتْ خَاصَّةً بِدَعْوَةِ التَّوْحِيدِ وَمُحَارَبَةِ الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَهُوَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ جلس النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين بعدها يصلي في مكة بعد أن بين له جبريل مواقيت الصلاة كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به جبريل في أول الوقت وفي آخر الوقت ما عدا المغرب وقال له الصلاة بين هذين الوقتين. Non. Donc le cheikh il dit, puis ensuite donc, après avoir appelé pendant 10 ans au tawhid et combattu le shirk, continuait cette da'wa, et il combattait ce que les mushrikines adoraient comme idole, et qu'est-ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, il est resté à Mecca par la suite 3 ans. En plus d'appeler au tawhid, il établissait la salat. Et ça c'est, à Mecca. Et Jibril est venu et il lui a montré les temps de chaque prière. Il est venu pour lui enseigner les temps de chaque salat. Et il a prié avec lui dans chacun des temps. Et ça, ça a été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, dans lequel il dit que Jibril est venu. Et il a prié, il dirigeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière. Et les sahabas suivaient la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il priait au début de chacun des temps et à la fin de chacun des temps, excepté pour le Maghrib. Et il leur a dit, c'est-à-dire Jibril leur a dit, la prière ou la salat est entre ces deux temps-là. C'est pour dire que la salat, en réalité, c'est une intervalle. C'est-à-dire, on a un intervalle de temps entre pendant laquelle on peut faire la salat. Le mieux, c'est de faire la salat au début de son temps. Mais tant que l'intervalle est là, eh bien, il y a le temps de faire cette salat dans cet intervalle-là. D'accord? Et le cheikh, il fait allusion à un hadith qui est rapporté selon Jabir ibn Abdillah, qui est rapporté par Il est mentionné dans le Bukhari et Muslim ce hadith. Mais cette narration que le cheikh il a mentionnée est rapportée par An-Nasa'i. Et elle est rapportée aussi par Al-Bayhaqi dans As-Sunan al-Kubra. Ça c'est le hadith qu'il a mentionné dans la note de bataille ici en bas. Mais on ne va pas le lire. On va passer directement à la suite. Le cheikh il dit « Wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madina ». Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de faire la hijra, c'est-à-dire de quitter la Mecque et de partir vers Al-Madina. D'accord? Donc le cheikh il explique. Et là on va parler aussi du sujet de la hijra en même temps, puisque ça c'est un des sujets qui est mentionné dans le livre. Donc le cheikh il dit wa ba'da ikmal al-muddati 13 sana أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة النبوية فهاجر إلى المدينة وكان قد أتاه قبل ذلك وفد من المدينة وأعدهم عند العقبة في موسم الحج وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم شعائر الإسلام آمنوا به وآمنوا به وصدقوا ورجعوا إلى أهليهم ينشرون دعوة الإسلام وينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فقدم عليهم بعد هذه المدة. Donc le cheikh il dit que après ces 13 années, le prophète صلى الله عليه وسلم a été ordonné de faire la hijra vers la ville de Médine. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم est parti vers Médine. Mais auparavant, c'est-à-dire avant de partir, il y a une délégation de Médine qui était venue le rencontrer à la Mecque et avait accepté sa da'wah, c'est-à-dire avait accepté l'islam et avait promis, yani lors du Hajj, il lui avait promis à un endroit qu'on appelle Al-Aqaba de le défendre et de le supporter sa da'wah, dans sa da'wah, et avait accepté les principes de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné et donc ils ont cru en l'islam et ils sont retournés à Médine, commencer à propager la da'wah de l'islam pour attendre la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu par la suite à Médine les rejoindre. D'accord? Le cheikh il dit وكانت الهجرة من أعظم أبواب الخير التي فتحت لنشر الإسلام لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثر عددهم وانتشروا دعاة ونزلت آية الجهاد لمن يقف في وجه الدعوة ويصد عن السبيل وأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ومن معه بمجاهدتهم فعقدت الأولوية الألوية نعم الألوية والرايات وجمعت الجيوش وتمت الغزوات وكان النصر حليفا لهم إن وإن أديل وإن أي نعم فإنهم يصبرون ويحتسبون ذلك لأن المجاهدين في سبيل الله قد وعدهم الله إحدى الحسنيين إما النصر والغنيمة وإما الشهادة فكم للشهيد من الأجر العظيم إما النصر والغنيمة وإما الشهادة. Donc le cheikh il dit que la hijra c'était une des portes les plus grandes parmi les portes du bien pour la propagation de l'islam. Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam commençaient à devenir très nombreux. Et ils étaient propagés partout. En train de, ils s'en allaient partout propager la da'wah de l'islam. Jusqu'à ce que par la suite, les versets qui parlent de l'obligation du djihad sont révélés par la suite. Et le djihad, le but du djihad, c'était de, justement, briser toutes les barrières qui empêchaient la propagation de la da'wah du tawhid. Donc toute personne qui voulait stopper ou empêcher la da'wah du tawhid, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le djihad pour justement briser ces barrières-là, pour qu'il n'y ait plus d'empêchement ou de barrière pour empêcher la propagation du tawhid et de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a ordonné donc de lutter et de combattre contre ceux qui empêchaient la propagation de la da'wah de l'islam et du tawhid. Et c'est pour ça que les bannières ont été levées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi des bannières, il a réuni des armées, il a commencé les batailles et les conquêtes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux musulmans de nombreuses victoires. وإن أُدِيلَ عليهم فإنهم يصبرون ويحتسبون ذلك. S'ils perdaient une bataille, si les ennemis avaient le dessus sur eux, eh bien, ils faisaient preuve de patience et ils acceptaient ça, ils espéraient la récompense d'Allah en cela. Et les gens qui faisaient le djihad, on les appelle les mujahidoun, ceux qui font le djihad, on les appelle des mujahidoun dans le sentier d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis une des deux bonnes choses. C'est-à-dire, les sahaba qui partaient pour lutter dans le sentier d'Allah, ils avaient Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis deux choses, et les deux de ces choses-là sont bonnes. C'est-à-dire que celui qui sortait dans le sentier d'Allah, il pouvait lui arriver soit une ou l'autre. Une ou l'autre. Mais les deux sont bonnes. C'est quoi? Soit qu'il va avoir la victoire, il va combattre dans le sentier de l'islam, il va être victorieux. Donc il va non seulement avoir la récompense d'Allah, mais en plus il va avoir du butin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste des ennemis du combat, il va avoir une part de ça. Et s'il meurt dans le combat, il va avoir le paradis et il va être martyr. Donc c'est les deux choses qui peuvent arriver à la suite du djihad, c'est une de ces deux bonnes choses-là. Et il n'y en a pas d'autres. Alors les croyants, ils partaient dans le combat avec foi et avec courage. Et il savait que le martyr avait une grande récompense. Yani, subhanallah, même les kuffars, ils étaient étonnés de voir les musulmans, comment les musulmans combattaient à cette époque. Ils disaient, subhanallah, ces gens-là, ils vont dans le combat et ils foncent chez les ennemis comme s'ils n'avaient pas peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de se battre pour la vérité, pour le tawhid d'Allah. Et ils savaient que s'ils mouraient dans le combat, ils allaient être martyrs, ils allaient avoir la meilleure de toutes les récompenses dans l'au-delà. Donc, il n'y avait rien qui leur faisait peur. Ils avaient peur de personne et de rien. Et les ennemis des musulmans étaient incapables de les arrêter. Les kuffars étaient incapables de les arrêter. Parce que les kuffars, ils vivent que pour la dunya. Ils vivent que pour la vie d'ici-bas. Donc, quand ils vont au combat contre les musulmans, ils pensent à leurs femmes, ils pensent à leur famille, ils pensent à leur argent, ils pensent à leurs biens, ils pensent à leur richesse, ils pensent à leur famille, ils pensent à toutes les choses de la dunya d'ici-bas, mais pour qu'est-ce qu'il y a après la mort, pour eux c'est rien, parce qu'ils croient en rien. Donc ils n'ont pas vraiment envie de se combattre. C'est juste la colère et la haine de l'islam qui les font aller se battre. Hein? Et l'espoir de la dunya, ou peut-être d'avoir des richesses du butin. Mais à part ça, qu'est-ce qu'ils espèrent des musulmans du combat? Rien. Tandis que les croyants, non. Les croyants, non seulement ils espèrent yani, en Allah subhanahu wa ta'ala, ils espèrent le paradis, et en même temps aussi, ils savaient que s'ils gagnaient, s'ils avaient la victoire, ils allaient avoir en plus de ça yani, une récompense dans la dunya, dans le butin. Pour revenir à la hijra, le cheikh il dit « Wal hijratu al-intiqal »« Al-intiqalu min baladi shirki ila baladi l'islam »« Wal hijratu faridatun ala hadihi l'umma min baladi shirki ila baladi l'islam »« Wa hiya baqiyatun ila an taqoum sa'a »« Wa dalilu qawluhu ta'ala » Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim »« Qalu fima kuntum » قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Donc le cheikh explique que la hijra, c'est de quitter les pays du shirk vers les pays de l'islam. Hier, on a rencontré, moi et Muslim, on était partis rencontrer quelqu'un. On rencontre un musulman qui vient d'un pays, il est musulman à l'origine, mais il dit, j'étais à la Mecque, j'étais à Médine, j'étais dans les pays du Golfe, j'ai vécu là-bas. Puis après, il nous dit, mais après, je suis venu ici au Canada. J'ai dit, subhanallah. Yani, c'était comme pour dire comment tu peux quitter les pays musulmans et les terres saintes pour venir vivre dans les pays des koufars et des mouchriquins, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis, ces pays comme ça. Et il dit, mais non, mais yani, la terre d'Allah elle est vaste. Yani, Ardullahi wasi'a, il m'a dit. Oui, la terre d'Allah est vaste justement pour quitter les pays des koufars pour aller vers les pays des musulmans. Pas vaste dans le sens contraire. Parce que le but que la terre soit vaste, c'est justement d'aller dans les pays où les gens adorent Allah, pas d'aller dans le pays où les gens adorent pas Allah ou adorent autre que Allah. Donc on dirait que certains, yani, ils prennent le Coran et ils l'utilisent dans le contraire de qu'est-ce que ça signifie. Allah al-musta'an. Donc le cheikh il dit que donc c'est la hijra dans le sens islamique, c'est de quitter les pays de shirk vers les pays de l'islam. Et donc ça c'est une obligation pour les musulmans, pour cette ummah, de quitter les pays de shirk vers les pays de l'islam, et ça c'est une obligation qui demeure obligatoire et qui reste jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier, jusqu'à ila an taqoum sa'a, ça veut dire ça reste obligation. Et le cheikh il a mentionné le verset dans sourate An-Nisa, le verset 97, 98, 99. Ça, c'est les versets où on parle de, il mentionne les preuves de l'obligation de la hijra dans le Coran. Dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux, yani, que les anges viennent chercher leur âme, alors qu'ils se font une injustice à eux-mêmes, les anges leur disent, où en étiez-vous par rapport à votre religion? Ils ont dit, nous étions faibles sur la terre. Et nous étions faibles sur la terre, en voulant dire, on n'avait pas le choix de rester chez les koufars et les mouchriquins, on était faibles sur la terre, on n'était pas capable de quitter. Mais eux, c'est des gens qui disaient ça avec la bouche. La réalité, c'est qu'ils étaient capables de quitter, mais ils ne l'ont pas fait. Ils préféraient rester là où ils étaient. Ils avaient la belle vie, la vie plus facile, et ils ne voulaient pas aller faire la hijra dans les pays, dans la terre des musulmans, où il y avait de la difficulté. Laisser derrière leurs biens, leurs maisons, leur argent, leur travail, tout ce qu'ils ont pour aller faire la hijra, c'est difficile, hein, de quitter tout ça. Alors, ils ont dit, on reste. Hein. Ils sont musulmans, ils croient en Allah, ils croient au messager, ils aiment l'islam, mais ils ont la faiblesse, peut-être, dans la foi ou des choses comme ça. Donc, ils ont dit, on est faible. On était faible sur la terre. Les anges leur disent, n'est-ce pas que la terre était vaste pour que vous justement puissiez faire la hijra, hein, vous puissiez partir, hein, faire la hijra sur la terre. Eux, ils prennent ce verset-là dans le sens contraire aujourd'hui. Ils pensent, ouais, c'est dans le sens, tu quittes les pays des musulmans pour aller vivre chez les koufars, la terre est vaste. Subhanallah, c'est le contraire de qu'est-ce que ça signifie. Et étudier à ces gens-là en particulier, si la terre est vaste, comme vous dites, pourquoi vous préférez particulièrement venir chez les pays, et aller dans les pays des koufars de l'Occident, l'Europe, l'Amérique du Nord, hein? Pourquoi vous n'allez pas, par exemple, je ne sais pas moi, dans d'autres pays, mais où les gens sont, hein, pauvres, hein? L'Afrique, certains pays africains où les gens sont plus pauvres, hein? Ou bien, par exemple, les, je ne sais pas moi, le Bangladesh. Hein, ou d'autres pays comme ça. Non, les gens, ils veulent, quand ils veulent faire la hijra, ils veulent faire la hijra dans les pays du Golfe où il y a de l'argent, ou dans les pays de l'Europe, ils veulent émigrer dans les pays de l'Europe, ou les pays, yani, de l'Amérique du Nord. C'est là qu'ils veulent aller. Ils ne vont pas aller dans un pays où il n'y a pas d'électricité, d'eau courante, des choses difficiles. Parce que les gens aiment la belle vie. C'est normal, parce qu'on est des êtres humains. Allah nous a créés, on aime les bonnes choses. Zuyyina lin-nas hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banin wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayl al-musawwamati wal-an'ami wal-harf. Dhalika mata'u al-hayati ad-dunya. Wallahu 'indahu husnu al-ma'ab. Ça, c'est des bonnes choses. On a le droit de les aimer. C'est pas interdit d'aimer les choses de la dunya. Mais pas de les aimer plus que l'au-delà. On n'a pas le droit de les aimer au point où on néglige, où on laisse l'au-delà. Et on met notre amour de la dunya au-dessus de notre amour de l'au-delà. Ou même pire encore, on va même, disons, désobéir à Allah pour obtenir la vie d'ici-bas. Allez, ça, c'est pas correct. Non. Le paradis est entouré de choses que les hommes n'aiment pas. Et l'enfer est entouré de choses que les gens aiment. يعني حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره بالمكاره les choses que les hommes n'aiment pas, les choses difficiles. Donc c'est pour dire que on est attiré vers les désirs, les passions. Et les choses du paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la dunya sijnul mu'min. La dunya, cette vie d'ici-bas, c'est une prison pour le croyant. Wa jannatul kafir, le paradis pour le mécréant. Donc c'est ça l'exemple. Donc les anges leur demandent: n'est-ce pas que la terre était plus assez grande pour que vous puissiez faire la hijra? Et qu'est-ce qu'Allah dit à la fin du verset? Ceux-là sont les gens dont la destination sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Excepté les faibles, ceux qui étaient réellement faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui ne trouvaient pas de ruse pour s'échapper et qui ne trouvaient pas de chemin. Ils ne savaient pas le chemin pour s'en aller. Alors ceux-là, il se peut qu'Allah leur pardonne, hein, et Allah va leur pardonner, mais tandis que yani les autres, Allah va les, yani, va les punir. Mais il dit, et Allah est certes indulgent et pardonneur. Donc après le cheikh il dit: وَلَا يَرُدُّهُمْ ذَلِكَ عَنْ مُوَاصَلَةِ السَّيْرِ فِي الْجِهَادِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَصْبَحَتِ الْهِجْرَةِ فَرِيضَةً مِنَ الْفَرَائِضِ التي كلف الله سبحانه وتعالى بها من أسلم وهم في ديار الكفر بل ذم الذين يتخلفون بين أظهر الكفار وهم قادرون على الهجرة إلى بلاد الإسلام وذمهم الله تبارك وتعالى لحرصهم على أوطانهم وأموالهم فقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ولم يستثني من الذم إلا المستضعفين بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فهؤلاء قوم عذرهم الله تبارك وتعالى لأنهم غير قادرين على الهجرة إما لأنهم يخافون على أنفسهم من أئمة الكفر أو لأنهم لا قدرة لديهم يعني تمكنهم من الوصول إلى المدينة وبقي حكم الهجرة ثابتا إلى يوم القيامة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. Donc le cheikh il dit que malgré tout cela ne les empêchait pas de continuer la voie dans la lutte et la da'wa pour l'islam. Hein? Et donc, comme on a parlé tout à l'heure, le cheikh il a parlé du fait que les sahaba avaient commencé donc à lutter dans le sentier d'Allah et à défendre la religion d'Allah et à faire la da'wa. Donc il faut comprendre que la da'wa et le jihad, c'est deux choses qui sont toujours reliées. Et même que le fait d'appeler à l'islam et de faire la da'wa, ça fait aussi partie du jihad, ça fait aussi partie de la lutte dans le sentier d'Allah. Et bien entendu, au sujet du djihad, il y a plein de petits détails et des choses à clarifier, surtout à notre époque, puisqu'il y a des gens qui, au nom du djihad, font toutes sortes d'atrocités. Et bien entendu, l'islam est innocent de ce genre de choses, mais quand même, on en reparlera à d'autres occasions, parce que là, en ce moment, ce n'est pas le sujet. Maintenant, le cheikh, il parle plus de la hijra. Donc, le cheikh, il dit que la hijra, c'était devenu donc une obligation parmi les obligations que Allah a ordonné à celui qui devenait musulman, et il devait donc quitter la terre des mécréants pour aller vers la terre des musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé dans le verset qu'on a lu tous ceux qui restaient derrière dans les pays des kuffars alors qu'ils avaient la capacité de faire la hijra pour aller vers les musulmans et les pays de l'islam. Allah les a blâmés parce qu'ils désiraient ou ils préféraient rester dans leur pays et rester avec leurs richesses ou leurs biens, et ils ne voulaient pas tout abandonner pour aller dans faire la hijra, quitter les pays des kuffars pour aller dans les pays musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit donc, ceux dont les anges prennent les âmes alors qu'ils se font de l'injustice à eux-mêmes. L'injustice qu'ils se font à eux-mêmes, c'est de rester parmi les mushrikins, hein, et les kuffars. On leur demande, c'est-à-dire les anges leur demandent, où est-ce que vous en étiez par rapport à votre religion? Et ils disent, nous étions faibles sur la terre. Hein. Et ça, bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas vrai, c'est des fausses excuses qu'ils donnaient. Et les anges leur demandent, n'est-ce pas que la terre était assez vaste pour que vous puissiez faire la hijra, hein, que vous puissiez quitter les pays des mushrikines et des kuffars pour aller adorer Allah ailleurs sur la terre? Et on a expliqué donc qu'il y a des gens aujourd'hui qui utilisent ce verset-là dans le sens contraire, pour dire que la terre est vaste, donc on peut aller chez les kuffars et chez les mushrikines pour émigrer. Alors que le verset est révélé dans le sens de quitter la terre des mushrikines et des kuffars pour aller dans les pays musulmans. Lorsque les musulmans n'avaient pas de pays musulmans, il n'y avait pas d'État islamique, ils étaient partis en Éthiopie. Mais là, maintenant, il y avait un pays musulman. Il y avait Al-Madina. Donc, ils n'avaient pas de raison de rester à Al-Habasha. C'est pour ça qu'ils ont quitté Al-Habasha. Ils sont partis à Médine. Hein? Et donc, là, il n'y a plus d'excuses dans ce cas-là. Et aujourd'hui, il y a plein de pays musulmans. Quelqu'un ne peut pas dire, je viens en Amérique ou en Europe parce qu'il n'y a plus de pays musulmans. Donc, je suis obligé de venir ici comme les musulmans étaient partis en Éthiopie. Puisque, à notre époque, ce n'est pas comme à l'époque de Al-Habasha. Ensuite, Allah, il n'a pas fait d'excuses, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les a pas excusés ceux-là. Il leur a dit, n'est-ce pas que la terre était assez vaste pour que vous puissiez faire la hijra, et ceux-là, leur destination sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Et le cheikh, il dit que Allah n'a pas excusé personne, il n'a pas fait d'exception dans le blâme qu'il a fait à ces gens-là, excepté ceux qui étaient réellement faibles, et qui n'avaient pas les moyens, qui ne pouvaient pas quitter. Parmi les hommes, les femmes et les enfants qui ne trouvaient pas de moyen de s'en aller et qui ne connaissaient pas le chemin. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la capacité, ils avaient peur pour eux-mêmes, des mécréants, ou bien parce qu'ils n'avaient pas la capacité, ou ils ne connaissaient pas le moyen pour arriver jusqu'à Médine. Et le verdict de l'obligation de la hijra est resté établi et ferme jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que l'obligation de faire la hijra, c'est pas quelque chose qui est fini à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, vous entendez les gens quand c'est la date qui approche, la période où la nouvelle année commence, les imams dans les mosquées font des khutbas puis ils parlent de la hijra et ils te racontent l'histoire de la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a quitté Mecca jusqu'à Médine. Mais ils en parlent comme quelque chose d'historique qui s'était passé à cette époque-là, et comme si ce n'était pas une adoration ou une obligation qui est obligatoire jusqu'à la fin des temps. Comme si aujourd'hui encore, les musulmans doivent faire la hijra dans son sens réel. Mais ils n'en parlent pas de cette façon-là. Pourquoi justement? Parce que plusieurs d'entre ces imams, malheureusement, font partie des groupes, des individus qui suivent des tendances ou des sectes, comme les frères musulmans ou Jama'at al-Tabligh ou d'autres groupes qui, eux, encouragent les musulmans de vivre chez les kuffars au lieu de les décourager. Et donc, ils ne vont pas expliquer aux musulmans la vérité au sujet du hukum, du verdict de vivre chez les kuffars. Et le cheikh, il dit « Wa diyarul kufr hi allati yu'badu fiha ghayrullah » عز وجل ويحكم فيها بغير شرعه ولا يستطيع المسلم أن يقيم شعائر الإسلام فيها هذه بلدة كفر يغزى أهلها ويجاهدون ويقاتلون حتى يكون الدين كله لله فإذا هزموا تغلب الجيش الإسلامي عليهم وأخذوا أموالهم وسبوا نساءهم وذراريهم واسترقوا رقابهم فَكَانُوا غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ. Je pense qu'on va laisser cette partie-là pour le prochain cours. On va commencer au prochain cours par ce passage-là, puis on va l'expliquer, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter maintenant. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ